m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, c'est con, on va s'en mettre. Laurent Malouda. Ah, ça fait plaisir déjà du retour de Gilbert, hein. On est bien entre vieux, hein, Gilbert. Merci. Le coup de jeune de la dernière fois, j'étais pas prêt. Moi, ça faisait un peu Skyrock, énergie. Là, c'est bon, là. Là, on se rend sans chez soi. Là, je te rappelle que t'es plus vieux que moi. Ça sent le formica, un peu la naphtaline. Ben oui, mais malheureusement, personne s'en rend compte et personne n'y croit à cette histoire. Mais bon, visiblement, cette légende urbaine, comme quoi t'es un jeune, elle existe. Même que t'as été jeune, Gilbert. Alors, en tout cas, les drôles de dames, merci. Je voudrais vous dire merci. Parce que tout à l'heure sur Mourinho, il y a eu un très très beau débat et les questions c'était bon alors s'il part, est-ce qu'il s'en va? S'il s'en va, est-ce que c'est ailleurs qu'à Madrid? S'il quitte l'Espagne, est-ce que c'est pour l'étranger? Et est-ce que si c'est en Angleterre, est-ce qu'il privilégiera la Première Ligue? Et vous avez répondu à toutes ces questions. Donc c'est pour ça que je vous dis merci les mecs. On en sait vraiment beaucoup plus grâce à vous quoi sur l'histoire de Mourinho, c'était vraiment très très impressionnant. On a appris qu'à Strasbourg, pour aller en boîte de nuit, il fallait un peu connaître Olivier. Ah, c'est le qu'est-ce qui comment ça se passe le videur à l'entrée dit d'accord pas d'accord pour rentrer ou pas comment ça se passe d'accord pas d'accord c'est bon si tu rentres ou tu rentres pas. Daniel qui vous a appris quand même parce qu'on parlait tout à l'heure des joueurs suisses, c'est vrai qu'il y a eu très peu de joueurs suisses qui sont venus en France et pour Daniel il y avait Stéphane Chapuisat, donc c'est une vraie info parce que même lui était pas au courant qu'il avait joué en France, hein, Stéphane Chapuisat. C'est un fantasme, il a avec qui j'ai confondu mais je sais Incroyable. Pas non à un moment donné voilà non mais Chapuisat non mais c'est très bien le père de Chapuisat non en même temps c'est avec Frey non mais Chapuisat il a joué au Red Star, mais c'était Zurich. Il y avait un autre aussi, un attaquant, Marco Grassi. Non, mais cherche pas, c'est Marco Grassi. Je sais, t'as été troublé parce qu'il a dit plusieurs fois qu'il voulait jouer au PSG. Et on y a tous cru, rappelle-toi. C'est à l'époque où on avait James Deba à la place de Savicevic. Je m'en souvenais pas du tout. C'est à l'époque où on disait, est-ce qu'on va avoir Boban? Et paf, Cyril Pouget. Tu vois, donc ça, c'était vraiment le dernier jour du mercato, c'était là, tu vois. Donc aujourd'hui, on fait la fine bouche, mais on a la mémoire courte. Tout à l'heure, sur Monaco-Lens, Daniel nous a aidé sur notre connaissance de la langue française, notamment des liaisons, ce que peut avoir. Ah oui. Écoute, je ne te défends pas, ce n'était ni une attaque. Ah bon, je croyais que c'était parce que tu étais. C'était ni une attaque. Comment tu fais pour choper ça? Mais non, mais parce qu'à un moment donné, ça accroche, ça gratte. Bravo, c'est vrai. La ni une attaque, il m'a fait mal. Moi, je t'avoue. Il y en a une autre et tu l'as pas. J'ai trébuché. Non, mais au bout d'un moment, je vais. Pire, celle-là. Eh bien, on peut y arriver doucement. Ah, d'accord. Non, je vais t'épargner parce qu'à un moment donné, t'as une famille. T'as une famille, t'as des proches. Et voilà quoi. Sinon, Doumé Poulain a été magique aussi et nous a appris un truc. C'est pas une question de français là, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut écouter? Avec voilà l'occasion, la plus belle occasion du match, c'était une reprise de volée quasiment de Ludovic Juli. Oh, c'était quasiment de Ludovic Juli. C'est-à-dire que c'était un peu Ludovic Juli, mais c'était pas vraiment Ludovic Juli. C'était quasiment lui quoi. C'était un mec qui lui ressemblait. Il avait plus ou moins le même nom, plus ou moins le même numéro. Donc c'est quand même très bizarre. Bon, on va parler de l'OM. L'OM, donc on a appris que Lucho avait été transféré au Machen Sport FC, donc le FC Porto, hein, de Nicolas Villas. Putain, ils ont tous le même nom, les Portugais. Alors, Olivier nous a rassuré, nous a dit que Lucho, il rassure ses coéquipiers. C'est ça que t'as dit. Hein. C'est vrai que quand t'as un mec à ce niveau-là dans ton équipe et qu'il est titulaire, t'es rassuré. Tu dis que même si t'avais une jambe en moins, tu pourrais jouer, quoi. Le pauvre Lucho. Alors après, à un moment donné, c'est demandé qui va remplacer Lucho. Alors, c'est vrai qu'au mercato, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire. On avait pensé au mannequin qu'on utilise pour tirer les coups francs. Et éventuellement, il y a la brune qui a un yuka dans son bureau. Alors, on s'était dit, mais il boit beaucoup d'eau. Donc, on s'était dit, c'est finalement, on a préféré le remplacer par personne. Et puis, je suis surtout inquiet pour les entraîneurs parce qu'on a vu que Camboire était premier avec 3 points d'avance. Il s'était fait virer. Mourinho, il a 7 points d'avance. Il est sur la sellette. Moi, j'ai très peur pour Mancini. Je pense qu'il flippe. Moi, par contre, je suis très rassuré pour Laurent Fournier qui ne risque absolument rien. Qui a même été, d'ailleurs, vous avez vu que le président d'Auxerre, il a dit qu'il assurait le maintien de Laurent Fournier, hein, parce que sinon il assure pas le maintien du tout lui, hein. Mais de Laurent Fournier c'est sûr. Après on a vu que Certic qui était pas très chalant. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il joue quand même au stade Chalon-Delmas. Donc pour un mec pas très chalant, c'est quand même c'est pas très bon. Et puis l'équipe de Gilbert tout à l'heure, qui voulait nous faire une équipe avec des marques. T'as dit que Mota et Maxwell. Oui. Et alors le PSG, il aurait pu faire une très belle équipe. Alors déjà, dans les buts, il aurait pu le gardien de la Fiorentina, Neto, hein, les petits prix Neto. Exact. Après tu mets Maxwell, Mota, Heinz. Tu fais revenir Heinz pour le ketchup. Ah, pas mal. Gervais Kouassi. Gervinho, Honda en attaque, Eric Schell en défense pour le pétrole en plus, Campbell, Wright Phillips pour les rasoirs, et Mauro Bolino en attaque. Et Bolino Ce qui est con, c'est qu'on a Ancelotti. Moi, j'aurais mis Conte en entraîneur. Hein. Ah oui. Ah ouais, Conte. Bon, enfin voilà quoi. Donc ça ferait quand même une belle équipe, l'air de rien. C'était pas une équipe dégueulasse. Hein. Mais malheureusement, Honda, il a signé ailleurs. Il aurait pu signer à Wolfsburg, ça aurait fait un truc sur les bagnoles. Puis après, on avait appris qu'il y a l'entraîneur de Fortuna. Fortuna, c'est une équipe de cigarettes. Il aurait pu prendre Jürgen Klopp. On a dit, mais bon. Enfin bref quoi. Ensuite, on a appris, le Pires a été vendu aux enchères. Je me dis, c'est que Marseille aurait dû faire ça, quoi. L'erreur, c'est que pour Gignac, ils l'ont pas vendu aux enchères. Alors, t'imagines François Morel qui aurait été à la trace. Alors, bonjour. Alors, allez, bon, ben, on est dans le 36-15. 36-15, code qu'il en va avec mon Dédé Gignac. Alors, 36-15, bon, ben, moi, j'ai un beau Gignac, là. C'est un beau Gignac. Hein. Ça va, Dédé? Tu vas bien? Oui, je suis bien. Oui, je suis bien. Alors, moi, Dédé, c'est un beau Dédé, hein. Tu fais quoi? Tu fais du 90 kilos, du 95 kilos, hein. Ah oui, 95 kilos. C'est de la bonne barbaque, hein. C'est du premier choix. Alors, faut aimer la viande persillée, hein, il y a du gras, aussi t'aimes le gras, c'est bien, il y a de la cuisse, hein, tu tapes dans la balle avec la cuisse ou pas, tu tapes, comment tu tapes, oui, j'aime bien ça, mais alors moi Dédé, alors il est livré sans la cervelle, hein, on a enlevé la cervelle, ça fait du poids en plus, ça gênait pas plus que ça, donc on a enlevé, il y avait plein d'eau, alors... Oui, c'est ça. Alors, bon, tu n'es ouvert à toute proposition de club, hein. Tu as des propositions, alors tu n'as pas de préférence. Le Barca, le Grandchester, le Bayern de Munich, hein. Tu n'as rien contre Monique. T'aimes bien Monique, hein. Tu la connais bien, Monique. Alors, mais si t'aimes bien Monique, alors, voilà un petit club où t'as un copain Ribéry, hein. Vous ne serez pas deux pour vous faire des blogs. Donc, si Monique du Bayern nous écoute, mon Dédé, il est prêt à y aller. Voilà, donc, 36-15 code, qui en veut? Enfin, la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, il paraît qu'il y a eu une enchère sur Gignac. Attention, 800 000 une fois, 800 000 deux fois, 800 000 trois fois, et c'est le Al Saïd Club qui récupérera donc 800 000 euros pour débarrasser l'Olympique de Marseille de Dédé Gignac, puisque Dédé Gignac, c'est le seul mec où tu te fais payer, hein, pour le prendre. Donc, à l'Olympique de Marseille, j'ai vu quand même que Le Chrome, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup du transfert de Le Chrome. Ouais, c'est vrai. Qui avec Bisevac au PSG, s'ils jouent ensemble, c'est quand même les deux qui faisaient partie de Bienvenue chez les Ch'tis. Tu sais, l'équipe de Bienvenue chez les Ch'tis, là, consanguin, tout ça, là. Ils étaient tous les deux, donc c'est quand même sympa. Ils sont pas rancuniers, les mecs. Pourquoi ils étaient tous les deux? Ah, mais ils étaient tous les deux à l'époque. Fredo! Il jouait pas à Lens, Bisevac et Le Chrome. Ah, tu veux dire l'année du match? Allez, à l'année! Ah, oui. L'année de Bienvenue chez les Ch'tis! Les mecs, ils sont pas rancuniers. Quand même! Moi, il y avait même Louis Crimi à l'époque. Chanson! Déjà? Oh merde! Bon, ben c'est pas grave. Donc, on va passer sur une petite chanson. J'ai une petite chanson sur un joueur qui a été pas mal ce week-end. Un joueur qui a joué contre l'OM. Allez, c'est parti! Kembo et Coco! Kembo et Coco, Kembo et Coco, le Stade Rennais te colle à la peau. Ton prénom c'est Giresse, comme lui tu manques pas d'adresse. Et lui avec son pied droit, mets-toi dans ton agenda. Manque pas d'adresse, bon, laisse tomber. Sur un malentendu, ta frappe est finie dans le but. Ouais! Vas-y et Coco, hey! Kembo et Coco, passe pour Montagno. Quand il parle, c'est pas Victor Hugo. Hey, encore une fois! Vas-y et Coco, vas-y et Coco, vas-y et Coco, le Stade Rennais te colle à la peau. Merci, bonsoir.